Bonjour à tous, vous êtes bien sur le 89.5 avec Radio Dio et vous écoutez Cours Sarah, le vieux monde est derrière toi. Aujourd'hui, malheureusement, Sarah ne peut pas être présente avec nous, donc Cassandre et moi allons animer cette émission. Et on a choisi de vous parler d'une problématique tout particulièrement actuelle pour les jeunes lycéens et étudiants, j'ai nommé le stress des examens. Nous sommes en terminale, le bac est maintenant dans moins de 2 semaines et avec la pression supplémentaire de Parcoursup en ce moment, vous imaginez que l'anxiété est à son comble dans les cours du lycée. Donc comme d'habitude, on a interviewé des jeunes, cette année surtout des terminales, on n'a pas pu mettre la main sur des premières. Mais bon, on va tenter comme d'habitude d'éclaircir un peu la situation pour vous, passer de la musique, vous parler d'inspi culturel qu'on aime bien. Et bah, juste avant qu'on démarre, Cassandre va vous présenter une chanson. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire écouter le morceau « You Sure Have Done Something » des Post Silly Pulp. Donc le morceau, il est de l'album « A Better Plan » sorti en 2000. Donc Post Silly Pulp, c'est un groupe punk stéphanois des années 90-2000. Et c'était aussi le groupe de mon père. La chanson décrit la mise en accusation d'un homme qui frappe sa femme. C'est une chanson qui est pleine de colère. Je vous laisse donc découvrir les Post Silly Pulp ou les retrouver pour ceux qui les connaissent déjà. On passe tout de suite. Les Post-Silly Pulps. Merci beaucoup Cassandre pour cette découverte super cool et stéphanoise. Et puis maintenant, on va vous passer des interviews, comme on vous l'a dit, de Terminal, donc Violette, Sarah, Paul et Wissam qui ont bien voulu nous répondre. Et on espère que ça va vous intéresser. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Violette, je suis en terminale et je passe bientôt le bac. Bonjour Violette, pour toi le stress c'est quoi ? Pour moi le stress c'est et moral et physique, c'est-à-dire que quand on est stressé on ne pense qu'à ça et en plus on est fatigué parce qu'on n'arrive pas à dormir, ça nous prend le cerveau, ça nous bouffe de l'intérieur, c'est vraiment rude. Est-ce que tu te sens stressée à l'approche des épreuves de bac ? Alors, je me sens stressée, mais vu que moi, j'ai eu un bac assez spécial, j'ai déjà fait des épreuves il y a quelques semaines, il est vrai qu'avec l'habitude, je suis de moins en moins stressée, mais c'est quand même une période hyper stressante parce qu'on y pense, on ne fait que réviser, et en plus, il y a Parcoursup avec. Est-ce que tu ressens de la pression de la part de tes parents et de tes profs? Alors, de mes parents et de mes profs, pas tant. Mais je ressens de la pression, moi, avec les notes qu'ils m'ont mis pendant l'année pour mes professeurs. J'aimerais avoir la même note que j'ai, voire plus si voilà. Et de mes parents, non, je ne ressens pas de pression, car ils sont très sains avec cela. Est-ce que tes camarades autour de toi sont aussi impactés? Alors là, j'ai beaucoup de camarades très stressés. J'en ai qui sèchent pour aller à la VU. J'en ai qui stressent beaucoup, qui m'en parlent énormément, ça m'envoie des messages pour me demander où j'en suis, etc. Donc oui, il y a beaucoup de stress, mais il y en a, comme d'habitude, qui sont beaucoup moins stressés et qui font aussi un peu des thanatosmères, et il en faut. Est-ce que tu te sens bien accompagnée, bien informée à propos des examens, des méthodes de révision? En vrai, pas tant. J'ai quand même l'impression que... on est informé par nos professeurs, mais en fait... On nous en parle que vraiment très fin juin. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop quand s'y mettre pour réviser, quand est-ce que c'est vraiment le rush, etc. Et surtout pour le grand oral, je trouve qu'on n'a pas été très bien préparé. Et sur Parcoursup, j'en parle même pas. Mais bon, c'est une période à passer et je pense qu'il faut la passer. C'est juste des obstacles pour nous montrer ce que c'est que la vie, honnêtement. Drop the mic. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon toi, pour réduire cette pression et ce stress? Selon moi... Bah oui, déjà... Toute l'année, nous expliquer un peu comment ça va se passer, nous faire des type bacs en éval très tôt, faire des plans, par exemple, dans les matières littéraires ou beaucoup d'exercices type bac dans les matières scientifiques, nous préparer au grand oral et puis aussi nous dire que nous ne visons pas du tout notre vie et que c'est simplement une épreuve parmi tant d'autres qui est d'ailleurs, je pense, la moins compliquée avant les partiels. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi, c'est Sarah Chacard et je suis en terminale au lycée Claude Fourier. Bonjour Sarah, pour toi, le stress, c'est quoi? Alors pour moi, le stress, bah du coup, c'est pas très agréable. Enfin, je sais pas trop comment le définir parce que c'est un peu philosophique comme question. C'est comme si tu me demandais, pour toi, c'est quoi le bonheur? Non, mais je sais pas trop, c'est juste un état qui est un peu négatif, on va dire. Est-ce que tu te sens stressée à l'approche des épreuves du bac? Bah en fait je suis un peu mitigée parce que je me rends pas compte qu'il y a les épreuves, en fait je me rends pas compte que c'est dans genre 2 semaines, du coup je suis pas du tout stressée, mais la veille ou le matin même je serai stressée je pense, parce que ouais, ça va être un peu une réalisation en mode ah ok c'était pas une blague. Est-ce que tu identifies certaines sources de ce stress? Bah les cours, tout ce qui est en rapport avec l'école parce que du coup on est beaucoup noté, c'est beaucoup sur des trucs comme ça, enfin c'est vraiment des notes et tout, donc ça c'est le genre de truc qui stresse. Mais au Parcoursup aussi, énormément, ça stresse beaucoup parce que bah, du coup à 19h on aura les résultats et enfin, on sait pas où on va finir l'année prochaine, enfin, c'est stressant. Est-ce que tu ressens de la pression de la part de tes parents ou de tes profs? Ah, pas du tout, mais mes parents ne savent même pas, mais ne connaissent pas les dates du bac, genre ils savent pas qu'aujourd'hui il y a les résultats Parcoursup, donc vraiment pas de mes parents. Mes proches encore moins je pense, parce que, bah, on est un peu tous dans le même sac, donc non vraiment. Est-ce que tes camarades autour de toi sont aussi impactés par ce stress? Bah j'ai pas l'impression qu'on soit stressé, on est un peu bon mood, enfin on en parle pas tellement, j'ai l'impression que c'est des journées comme les autres alors qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Est-ce que tu te sens bien accompagnée, bien informée à propos des examens, des méthodes de révision, des trucs comme ça? Alors niveau méthodes de révision et tout, enfin je suis pas du tout calée, enfin je sais vraiment pas travailler, donc sur ce côté-là je dirais non. Après est-ce que j'ai l'impression d'être bien informée et tout? Enfin, je pense pas parce qu'il y a beaucoup de choses que je savais pas avant Parcoursup et il y a beaucoup de choses que j'aurais pu mettre, des formations que j'aurais pu mettre mais que je ne connaissais pas. Du coup, non, je pense pas trop non plus. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire selon toi pour réduire cette pression et ce stress? Quelle question! Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire cette pression et ce stress? Non mais alors, je pense que c'est pas vraiment possible parce qu'il faudrait enlever beaucoup de choses, genre tout le système de notation, tous les trucs Parcoursup, enfin je pense que ça serait pas vraiment possible. Mais pour alléger un peu, enfin peut-être que ça serait mieux d'évaluer les élèves d'autre façon que de mettre des notes sur 20. Enfin, je sais pas, quand on était en primaire, c'était du vert foncé, je sais pas si c'est vraiment différent, mais enfin d'autres systèmes de notation, ça serait un peu plus cool, je pense. Mais après, je sais pas, j'ai pas d'idée. Merci. De rien. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ok, bah moi c'est Paul, j'ai 17 ans, et j'en ai 18 dans moins d'un mois. Et donc là je passe le bac, j'ai déjà passé les épreuves européennes, et là je passe le bac dans 15 jours. Pour toi c'est quoi le stress? Alors le stress, moi je le vois d'une manière très particulière, parce que je suis pas quelqu'un de très stressé. Pour moi le stress c'est quelque chose qui nous fait agir d'une manière ou d'une autre, que ce soit bonne ou mauvaise, sur un moment, sur un fait accompli. Est-ce que tu te sens stressé à l'approche des épreuves du bac? Bah à vrai dire, j'étais un peu dans le déni jusqu'à maintenant, et là je commence à me dire qu'il y a beaucoup d'infos dans les SP notamment, et que faudrait peut-être que je sois un peu stressé. Est-ce que tu ressens de la pression de la part de tes parents et de tes profs? De la part des profs, pas du tout. J'ai l'impression que les profs sont pas très présents pour les élèves. Par contre, mes parents, il y a un petit peu de pression au niveau de bon bah faut que tu le réussisses quoi. C'est vraiment le cap à passer. Je pense que c'est quelque chose d'important quand même à réussir. Donc je pense que là, il y a évidemment un peu de stress qui monte au fil du temps. Est-ce que tes camarades autour de toi sont aussi impactés? Par mon stress à moi? Le stress en général. Ah, bah par mon stress à moi, du coup, je pense pas beaucoup. Mais oui, j'ai beaucoup de camarades de classe qui passent très très stressés par l'approche des épreuves. Parce qu'ils veulent la mention, parce qu'ils veulent réussir. Donc je pense que moi, je fais partie un petit peu des exceptions. Mais je pense qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas les mêmes facilités que moi et qui pour qui c'est beaucoup plus dur. Est-ce que tu te sens bien accompagné, bien informé à propos des examens, des méthodes de révision et de détente? Alors, par rapport aux examens, moi, on a un prof qui est pas mal pour les infos. Je pense que c'est peut-être pas le cas de toutes les classes. Moi, je pense qu'on a plutôt été bien informé au niveau de notre classe. Après, est-ce qu'on est bien... sur l'avenir, tout ça, est-ce qu'on est vraiment bien informé? Comment ça va se passer? J'ai l'impression qu'on met beaucoup la pression et que notre avenir se joue un peu sur un lancer de dés quoi, par rapport à Parcoursup. Mais je sais pas. Je pourrais pas te dire autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire selon toi pour réduire cette pression et ce stress? Je pense qu'il faudrait déjà arrêter de dire aux élèves que s'ils trouvent pas, ça va être la fin du monde. Et que sur Parcoursup, il faut toujours sélectionner, machin. Non, moi je pense qu'il faut simplement dire fais ce que tu as envie de faire. Forcément ça marchera, on n'est pas plus bête que les autres et ça marchera, tout le monde réussit, donc ça finira par payer un jour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je dirais que ceux qui entendent l'émission, qui ont mon âge, faut qu'ils aient confiance en nous et pas trop stresser à la prochaine. Merci. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis en terminale et j'ai 18 ans. Pour toi, le stress c'est quoi et est-ce que tu y es sujette particulièrement? Alors, avec mon point de vue de personne qui a fait SVT, c'est une réponse. Alors, le stress c'est une réponse de ton corps à une situation qui est stressante ou qui peut t'angoisser. Et du coup, pour moi, le stress, oui, j'y suis sujette. Et voilà. Est-ce que tu te sens particulièrement stressée à l'approche des épreuves du bac, étant donné qu'on fait l'interview là et c'est dans environ 2 semaines? En fait, moi, le stress, j'ai l'impression que je ne l'ai pas conscientisé. C'est-à-dire que je ne vais pas passer des heures à repasser en boucle dans ma tête toutes les choses qui me stressent. Mais je vois que mon corps réagit plutôt. Par exemple, je vais avoir du mal à m'endormir, je vais avoir la poitrine qui se serre à certains moments, je vais m'imaginer des choses un peu, enfin avoir des scénarios catastrophes qui vont se former dans ma tête sans que je puisse le contrôler, un peu comme des pensées intrusives. Et voilà, moi je ne l'ai pas conscientisé, mais mon corps le ressent. Est-ce que toi, tu as identifié certaines sources de ce stress justement, ou c'est un peu difficile? Je les ai pas clairement identifiés, mais je pense que c'est le bac, en fait, le fait, oui, de passer ces examens. Parce que le bac, on nous en parle quand même depuis très très très longtemps. Je pense qu'en primaire, on nous parlait déjà du bac. Mmh. Alors le fait que ça soit dans 2 semaines, bah, ça fait un peu bizarre, quand même. Sachant que ça fait des années qu'on nous rabâche ça chaque année. Ouais. Ça fait bizarre. Est-ce que tu ressens de la pression de la part de tes parents ou de tes profs, par exemple, ou même de toi-même ? Sincèrement, moi, je me mets aucune... je me mets la pression et mes parents ne me mettent aucune pression. Mais du coup, j'ai un peu ce truc de me dire il faut que je puisse correspondre aux attentes qu'ils ont de moi, parce que je ne sais pas vraiment... Je pense surtout les profs, en fait, les attentes des profs, parce que je suis un peu catégorisée bonne élève, mais du coup, je me dis si je foire, bah... J'aurais pas répondu à leurs attentes. Après, mes parents, je sais que peu importe ce que j'aurai comme résultat, ils seront contents. Donc voilà. Est-ce que tes camarades autour de toi, tes amis, ils sont aussi, est-ce qu'ils sont aussi impactés ? Est-ce que tu remarques ça ? Alors, il y en a qui sont un peu stressés et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et du coup, je trouve ça un peu marrant de voir la balance entre les deux, parce qu'il y en a qui me disent « Non, mais de toute façon, le bac, c'est de l'eau », et d'autres qui sont tous stressés, qui passent leur temps à réviser et tout, à se dire « Purée, je devrais réviser et tout ». Donc voilà, c'est un peu les deux. Est-ce que tes parents, ils sont inquiets pour toi ? Est-ce que tu ressens que leur inquiétude, elle se déverse un peu sur toi inconsciemment ou pas tant que ça ? Eh bien, franchement, mon père, oui, mais ma mère, pas tellement. Enfin, mon père, je pense qu'il est plus stressé que moi sur certaines choses. Est-ce que globalement tu te sens bien accompagnée, bien informée à propos des examens et des méthodes de révision à adopter ? Ça dépend des matières. Je crois qu'en SPSVT, franchement, on a eu un bon accompagnement pour tout ce qui est grand oral et tout et tout. L'explication de comment les épreuves elles vont se passer et tout. En HLP, c'est un peu plus subtil, disons. C'est plus léger, on va dire, mais ça va dans l'ensemble. Par contre, là, je vais passer un coup de gueule. Je passe mon TP de SVT demain matin et je n'ai toujours pas ma convocation pour mon TP de SVT. Donc là, pour le coup, l'administration, ça me fait un peu... Là, pour le coup, l'accompagnement est très, très mauvais. Est-ce que Parcoursup, en particulier, c'est les résultats aujourd'hui, est-ce que ça a été une source de stress en plus ou est-ce que c'est un peu quelque chose qui t'a pas marqué plus que ça ? Moi, j'ai trouvé que Parcoursup, c'était un stress en plus parce qu'on a des délais à respecter, il faut faire des lettres de motivation, il faut avoir des vœux, il faut savoir ce que tu veux faire. Et oui, du coup, je pense que c'est un stress en plus. Enfin, ça occupe l'esprit, je trouve. Et selon toi, est-ce que tu as des idées un peu pour réduire cette pression et réduire ce stress ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Faire de la cohérence cardiaque. Mais en vrai, ça, c'est pas mal. Hein. Moi, j'avais bien aimé tout ce qui est relaxation et tout pour un peu essayer aussi de penser à autre chose, faire... Je sais pas, faire le vide un peu, aller se promener, prendre du temps un peu pour s'ennuyer et se rendre compte qu'en fait c'est pas si terrible ce qui arrive et que ça va bien se passer. Et toujours garder en tête que c'est pas ça qui va définir notre avenir et que c'est aussi c'est important, ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience cette année, c'est que si on n'obtient pas, je sais pas, la formation de nos rêves ou quelque chose comme ça, si on l'obtient pas maintenant, ça veut pas dire qu'on pourra faire ce qu'on veut faire plus tard. J'entends que genre si... Par exemple, je foire ma première année de licence de je ne sais quoi. Et le problème, c'est que moi, je voulais absolument être prof. Et du coup, je rate ma licence et du coup, je peux pas être prof. Mais en fait, ça veut pas dire que plus tard, tu seras pas prof. Tu peux partir de rien et avoir quelque chose de bien quand même. Enfin, ouais. Faut pas se dire que tout est déterminé quand on a seulement 20 ans et tout. Ça peut changer plus tard dans la vie. On peut reprendre les études. On peut prendre des chemins qui finiront toujours par nous amener. Même si, en fait, c'est pas si le... Comment dire ? Je m'exprime mal, mais c'est pas si... Si la route n'est pas toute droite, ça veut pas dire qu'on pourra pas atteindre nos objectifs. Notre route, elle peut être avec plein de virages, des retours en arrière. Et voilà, je pense qu'il faut prendre conscience de ça. Et franchement, ça enlève un poids. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Et bah, bon courage à tous pour le bac, ça va bien se passer. Et bisous à tout le monde. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Wissam El-Kakiri, je suis en terminale 6 au lycée Claude Fauriel à Saint-Étienne. Pour toi, le stress, c'est quoi et est-ce que tu es sujet au stress ? Alors non, je ne suis pas du genre à stresser moi dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un d'assez positif, j'essaye de sourire, j'essaye d'être bien chaque jour. Et le stress, j'essaie de le mettre de côté, mais... On va pas se le cacher, des fois il arrive et il arrive comme ça soudainement et voilà. Est-ce que tu te sens stressé en particulier à l'approche des épreuves du bac et de la fin d'année ? Alors non, pas du tout. Parce que le bac, avant tout, ça se prépare. Et on nous a préparé durant toute notre vie à cette épreuve. Et on va essayer de donner le maximum de ce qu'on peut donner pour réussir cette épreuve et pour rendre fiers nos familles. Si t'es pas vraiment stressé par les épreuves du bac, en fait, c'est quoi qui te stresse pour toi ? Moi, c'est pas... L'école, moi, ça m'a jamais stressé en soi. Mais ce qui me stresse, moi, le plus, c'est plus ce qui peut se passer demain. On n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer demain. Et du coup, bah, c'est ça un peu. Mais c'est pas un stress qui se voit en moi où je suis là, je tremble ou quoi que ce soit. Non, c'est un stress de la vie, c'est tout. Ok. Est-ce que tu ressens de la pression de la part de tes parents et des profs par rapport au bac et à l'orientation, ou comme tu m'as dit, c'est pas un truc particulièrement important ni stressant ? Non, mes parents, ils ont toujours été cool avec moi. Ils ont toujours su m'aider. Ils ont toujours su me donner du courage, etc. Et non, je suis pas quelqu'un. J'ai pas une famille qui donne des coups de pression, etc. Après, les professeurs, ça c'est un autre sujet. Ils sont là des fois. Ils nous aident, etc. Mais des fois, ils nous donnent un peu la pression, etc. Alors que cette pression, en gros, bah, les professeurs, ils donnent de la pression, etc. Mais c'est un bon stress, on va dire. Mais bon, il faut qu'ils arrêtent. Et est-ce que tu penses que c'est un peu tes parents qui t'ont passé le stress du lendemain et des événements marquants qui peuvent se passer indépendamment de toi, en fait ? Ou c'est un stress un peu qui t'est venu en regardant l'actualité ou par toi-même, en fait ? Non, moi, c'est un stress qui est venu depuis tout petit. Moi, depuis tout petit, je suis quelqu'un qui stresse comme ça du lendemain, de ce qui peut se passer, etc. C'est pas un stress où là, je vais être là à trembler ou quoi que ce soit, mais c'est plus un stress en mode, tu te réveilles, tu te dis il va se passer quoi aujourd'hui, est-ce que ça va être bien, etc., etc. Du coup, non, c'est pas ça. C'est juste quelque chose qui est venu en moi très, très jeune, c'est tout. Okay. Est-ce que c'est justement cette pression, c'est un peu de l'anxiété qui t'impacte au quotidien, ou c'est juste t'y penses mais ça te gêne pas plus que ça ? Non, j'y pense mais ça me gêne pas plus que ça. Avant, oui, ça me gênait au collège, en primaire, mais maintenant, vu que... En fait, plus on grandit et plus on essaie de faire face à ces situations. Voilà. Et pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire le stress un peu, que ce soit tes camarades ou toi, réduire la pression, essayer juste de se détendre, on peut faire quoi ? Bah, ça dépend de nos hobbies, de ce qu'on aime. Il y a des gens, pour évacuer le stress, ils jouent au foot, ils écoutent de la musique, ça c'est bien. Ils jouent aux jeux vidéo, ils sortent avec les amis, ils rigolent avec les amis, ils font des appels, etc. Et je pense que c'est une bonne solution pour digérer ce stress. Eh bien, merci beaucoup à donc Violette, Sarah, Paul, Sarah et Wissam qui ont bien voulu répondre à toutes nos questions sur le stress. Maintenant, on va écouter Delia qui va nous présenter une chanson qu'elle a choisi de vous passer. Alors, j'ai choisi de vous passer une chanson de Billie Eilish. Il faut savoir que je suis une très grande fan et que bah, je me suis retenue jusque-là en me disant qu'on va essayer d'être le plus large possible et varié dans les choix musicaux. Mais là, on est arrivé à un point où je ne pouvais pas m'empêcher de passer quand même ma grande star, même si bon, je j'admire pas juste pour le côté star. Et j'ai choisi de vous passer I Didn't Change My Number, qui est une chanson de son album de 2021, Happier Than Ever. Et cette chanson, en fait, pour moi, elle est vraiment quasiment inclassable parce que c'est à la fois rock planant, électro... Ça se rapproche du rap quelque part, et en fait, ouais, pour moi, Billie Eilish, c'est vraiment une musique qui est au croisement de plein de styles différents. Et cette chanson en particulier, elle me touche en ce moment parce qu'elle est très, très percutante et à la fois planante et calme. Et ça me fait un peu penser aux vagues de stress et aux vagues de pression, surtout les choses qui arrivent, telles que bah, concrètement, on en parle, le bac, les épreuves, les examens. Et puis même décider sa vie de l'année prochaine et se rendre compte qu'on va être jeté dans le grand bain. Et c'est une vague énorme qui arrive sur nous, et à la fois c'est quelque chose de très étalé sur la durée, puisqu'on a des semaines devant nous, si ce n'est des mois. Et donc Voilà, cette chanson, elle ressemble pour moi un peu à ce qu'on est en train de vivre en fin de terminale, si ça fait sens pour vous. Et on l'écoute tout de suite. I didn't change my number. I only changed who I replied to. Or I said I should be nicer. But not to you. I love how you were mad at me, text. Should've guessed that you would think I was upset. You're obsessed. Don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. I didn't change my number. I only changed who I believe in. You were easy on the eyes, eyes, eyes. But looks can be deceiving. I gotta work, I go to work. Deserve to feel so hurt. You've got a lot of nerve. I don't deserve, so don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. And take it out on you and your best friend too. Should've left when Drew said you were bad news. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Et bah voilà, c'était ma petite chanson. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a un peu convaincu. On va maintenant vous parler un peu de culture et de nos inspi culturels du mois, comme d'habitude. Et avant ça, même si elle n'a pas pu être là, Sarah nous a fait une petite inspi culturelle que vous allez avoir le plaisir d'écouter sur le Festu. Et je vous lance ça tout de suite. Sarah, vous avez vu, même quand je ne suis pas là, j'arrive à être là. Désolée pour ceux qui en ont marre de moi, hein, mais voilà, j'envahis les ondes. J'ai choisi de vous parler pour mon inspiration culturelle du mois du Festu. Le Festu, c'est un festival étudiant qui est organisé par l'Université Jean Monnet tous les ans vers mai, fin mai. Et c'est un festival où du coup on peut voir différents artistes, que ce soit des groupes d'étudiants un peu plus récents ou alors des artistes un peu plus connus. Et surtout, c'est un festival qui est gratuit et qui se passe en plein air du coup à l'Université Jean Monnet. Moi, j'y suis allée cette année, le dernier jour, et j'ai vu quelques groupes, donc c'était hyper sympa. Et ce qui a refait un peu quand même toute ma semaine, puisque c'était un vendredi soir, ce qui a refait ma semaine, c'est que j'ai vu l'artiste J.E.R. Et J.E.R., c'est un artiste, du coup, c'est un rappeur qui est passé dans l'émission Nouvelle École, qui est sur Netflix. Et cette émission, elle m'a vraiment sauvée cet été, quand j'en pouvais plus, de garder des enfants toute la journée. Voilà, c'était un petit peu, je me suis accrochée à ça, en fait, cet été. Et du coup, de voir J.E.R. en vrai, surtout qu'il était finaliste et tout, et que j'étais assez fan de lui depuis le début et tout, et ben ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, franchement, le Festu, c'est trop bien parce que vous pouvez découvrir à la fois des artistes qui sont un peu plus connus, du coup, comme J.E.R., et des artistes un peu émergents, j'ai envie de dire, comme des petits groupes d'étudiants et tout, et franchement, on fait des super découvertes. On avait découvert aussi l'année dernière avec mes copines Menace Pâte à Modeler, et voilà, c'est trop bien. Et en fait, le Festu, c'est un peu rassembler des gens passionnés de musique, et moi, je trouve que c'est hyper cool. Et voilà, il y a plein d'ambiances et tout, franchement, c'est génial. Les gens, ils dansent et tout, donc vraiment, je recommande le Festu. Bisous. Eh ben, merci beaucoup Sarah, même si tu n'as pas pu être là, tu as toujours envahi les ondes, comme tu dis. Maintenant, je vais vous présenter mon inspi culturel du mois. Donc, la semaine dernière, j'ai revu le film Slumdog Millionaire. Beaucoup d'entre vous peut-être le connaissent déjà car il est assez connu. Mais je l'ai adoré, donc je vais vous en parler un peu. C'est l'histoire de Jamal, c'est un Indien qui vient des bidonvilles de Bombay, qui a vécu toute sa vie dans une extrême pauvreté. Et un jour, il va participer au célèbre jeu télévisé « Qui veut être millionnaire ?» Ah non, « Qui veut gagner des millions en français ?» Et en fait, ben, étonnamment, ça va surprendre toute l'Inde, mais il ne va pas perdre tout de suite. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais donc en fait, dans le film, on voit des retours sur sa vie. On voit un amour impossible avec Latika. On voit des réponses inattendues. On est ému tout du long et on suit la course folle de Jamal à travers la ville. Donc le film, il est disponible sur Canal+, si jamais vous avez, ou sinon en streaming, il est aussi dispo. Et en tout cas, je vous invite vraiment à aller le voir, car on sort pas indemne de ce film. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée, je l'ai adoré. Et j'ai même adoré le revoir. Donc je vous le recommande vivement. Voilà. Merci beaucoup, Cassandre. Et bah, c'est sur ma liste de films à voir, ça va partir sur Letterboxd. Et donc moi je vais vous présenter pour mon inspi culturel, pour changer, un groupe de musique. Et c'est un groupe qui s'appelle Corduroy County, qui veut dire le comté du tissu en velours ou en satin en anglais. Mais c'est un groupe allemand, j'ai pas réussi à définir de quelle ville ils viennent exactement parce que c'est assez flou sur leur réseau. Et ils essayent vraiment d'avoir une image très, très planante qui me fait beaucoup penser à David Lynch. Et bon, pour résumer, c'est une sorte de rock, plutôt power rock. Et ils ont fait aussi une ou deux ballades de presque folk. En tout, ils ont sorti que 5 singles pour l'instant, il me semble. Donc c'est vraiment un petit groupe qui débute. Et je les ai découverts sur les réseaux sociaux. Donc comme quoi, ça a du bon. Et bah, un groupe qui vraiment, comme je vous l'ai dit, a une image hyper, hyper agréable, hyper incroyable et originale surtout. Ils se mettent en scène un peu à l'américaine, mais d'une façon très, très européenne, si je puis dire, puisque évidemment, ils sont allemands. Et je vous laisse écouter ça, parce que pour comprendre, quoi de mieux qu'écouter. Running out of time with the feelings that I chase. I just couldn't reach you. Got me cornered, now I feel doomed. It wasn't easy for me. So why won't you understand? It wasn't easy for me. So why won't you? Love could find a way when you trap it in a maze. Hate me all the same, not as very as great. You will never reach. Voilà, c'était la chanson « It wasn't easy for me » de Corduroy County, qui, je pense, va bien dans le thème de notre émission sur le stress et la galère de fin d'année, parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais on va le faire, moi j'y crois. Et puis, je laisse la parole à Cassandre, qui va nous présenter la chanson de Sarah. Même si Sarah, elle n'est pas là, donc elle va quand même nous passer une chanson. Donc, on va écouter « Quoi, pourquoi » de J.E.R. que du coup, elle a vu au Festu, que j'ai vu aussi au Festu. Voilà, donc on va l'écouter tout de suite. C'était son petit coup de cœur. Let's go! Je regarde dans tous les sens 360, confiant comme si je prie. Je constate des ignobles évidences qui constituent les gens bizarres que nous sommes, même gentils ici. Là on dit go, faut que tu t'exécutes. J'ai croisé des anges et des belles ébutes. Je suis surpris à quel point dans les deux camps y'a des bons cœurs et des sacrifices de plus. Le temps de chercher à savoir qui dit quoi, pourquoi. Quoi, pourquoi. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi. Soit pour soi. Plus le temps de chercher à savoir qui dit quoi, pourquoi. Quoi, pourquoi. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi. Soit pour soi. Soit pour soi. Soit pour soi. Soit pour soi. Soit pour soi. Soit pour soi. Soit pour soi. Soit pour soi. Soit pour soi. Soit pour soi. Les gens se sont dit que c'était soit pour soi. Soit pour soi, mais. J'm'inquiète pas, j'ai qui sont potes avec mon G-Pro. Quand tu goûtes, c'est trop. Soi-disant, t'es là depuis le début, mais t'es présent que quand c'est pro. On fait la bagarre comme tous les rappeurs. Alors c'est soi-même contre les détracteurs. On se serre la main pour atteindre notre but. J'suis choqué dans tous les camps, y'a des bons cœurs et des sacrifices de plus. Le temps de chercher à savoir qui dit quoi, pourquoi. Quoi, pourquoi. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi. Soit pour soi. Plus le temps de chercher à savoir qui dit quoi, pourquoi. Quoi, pourquoi. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi, soit pour soi. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi. Plus le temps de chercher à savoir qui dit quoi pourquoi. J'ai plus rien à prouver, je veux pas être approuvé, je fais ça pour voir. Juste curieux, juste partage-moi ce que tu vois. Mais c'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi. Soit, soit, soit, soit. Soit pour soi. Soit, soit, soit, soit. Soit pour soi. Soit, soit, soit, soit. Soit pour soi. Soit, soit, soit, soit. Soit pour soi. Soit, soit, soit. Soit pour soi. Soit pour soi. Soit, soit, soit, soit. Soit pour soi. Soit pour soi, soit, soit, soit, soit. Soit pour soi, soit, soit, soit, soit. Soit pour soi, soit, soit, soit, soit. Et ben voilà, c'était la petite chanson de Sarah. On est très contente d'avoir pu la lui passer parce que je sais que ça lui tenait à cœur. Et puis maintenant, on arrive un petit peu vers la fin. Et comme d'hab, je vous propose de discuter, enfin je te propose, Cassandre, parce qu'on est que deux aujourd'hui, de discuter un peu sur ce qui nous préoccupe en ce moment. De parler donc du stress, comme l'ont dit ceux qu'on a interviewés. Donc du stress des examens, mais aussi de Parcoursup, parce que je pense qu'en ce moment, c'est peut-être le stress le plus important en tout cas. Oui. Peut-être que dans une semaine, ce sera l'inverse, mais en tout cas, pour moi, je sais que c'est Parcoursup qui est le plus stressant. Donc déjà j'ai trouvé que lundi c'était très dur en fait, parce que du coup, donc pour ceux qui ne savent pas, les résultats sont tombés lundi à 19h. Donc par exemple, le fait qu'on, genre, de voir des noms, je trouve que ça fait mal, genre juste le mot nom, et des surtout refus, ouais. Et surtout pour ceux qui ont eu nom à tout, je trouve que Parcoursup, ça a vraiment une violence en fait, c'est vraiment, ouais, je trouve aussi. Puis rien que le fait, j'ai plusieurs amis autour de moi qui sont en liste d'attente et donc qui ont demandé certaines formations, aucune ne les a acceptées. Par contre, ils sont sur des listes d'attente en espérant être pris d'ici quelques jours. C'est actualisé chaque matin. Mais le fait est qu'il y a quand même des deadlines, il y a quand même des délais, et on n'a aucune certitude en fait, ouais, de savoir ce qu'on aura. Donc je trouve que quelque part, ça renforce juste les inégalités, parce que ceux qui ont un bon dossier, ils sont acceptés dans des dizaines de formations lesquelles ils doivent choisir. Et il y en a d'autres qui n'ont pas le choix. Donc, ouais, je trouve que c'est vraiment dur. Et c'est, ouais, c'est fou parce que quand on pense à avant, où je parle, donc pour les choses qui n'étaient pas très sélectives, parce que pour les écoles, ça a toujours un peu marché pareil. Mais par exemple, pour les facs, avant, on s'inscrivait à la fac en fait. Là maintenant, on se bat pour aller à la fac. C'est, Donc c'est ça que je trouve fou, et même quand on a des bonnes notes, on n'est même pas sûr en fait d'avoir sa place à la fac qu'on veut, ou même dans une fac tout court avec une licence. Ouais, c'est exactement ça. J'ai parlé à quelqu'un récemment qui s'est inscrite à la fac il y a bien 30 ans, à mon avis, enfin qui... une adulte, on va dire, et qui donc a pas du tout connu Parcoursup, c'était un fonctionnement totalement différent. Et en fait, elle est seulement allée à la fac et elle a déposé des papiers d'inscription et elle était inscrite et ça s'est passé comme ça. Et certes, on nous rabâche que Parcoursup n'est qu'un outil pour choisir et qu'au final, ce serait la même chose si on allait en vrai demander à une dizaine de formations. Mais quelque part, c'est juste faux en fait, parce qu'il y a des critères de sélection qui ne sont pas publics. Enfin, on envoie un dossier, des lettres de motivation en espérant que ça passe et au final, quand on est refusé, on peut difficilement savoir pourquoi. Et il y a plein de cas d'élèves qui sont dans l'incompréhension parce qu'ils n'avaient pas un assez bon dossier, des notes pas si basses et même plein d'atouts qui jouaient en leur faveur et pourtant ils n'ont pas de formation. Donc c'est vraiment une opacité de la sélection qui est insupportable, et sincèrement. Ce que j'ai trouvé dur aussi du coup, comme tu disais, oui, c'est l'incompréhension qu'en fait on peut avoir. Ça, je trouve ça très dur. En fait, on ne sait pas pourquoi on n'est pas pris, on n'en a aucune idée. Mais aussi, surtout, en fait, cette année, je pense que toute l'année, elle a été difficile parce qu'en fait, chaque note est vue par Parcoursup. Donc, en fait, on n'avait pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on avait des évals, je ne sais pas, deux fois par semaine. Et bien, toutes les évals depuis septembre, deux fois par semaine, il fallait les réviser, il fallait les préparer parce que chaque note était comptée pour Parcoursup. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était le plus dur. Là, au troisième trimestre, on pourrait croire que du coup, on peut souffler parce qu'il n'y a plus Parcoursup, sauf que... En fait, on ne peut pas souffler, c'est encore pire parce que maintenant, il faut préparer le bac. Maintenant, on a les résultats en fait, de Parcoursup. Donc, en fait, c'est vraiment une année très difficile, j'ai trouvé. Et je pense aussi qu'on n'a pas été assez accompagnés par les professeurs, en tout cas dans notre lycée ou peut-être pour certains cas. Mais j'ai trouvé qu'il y avait eu un manque d'accompagnement des professeurs, de préparation, notamment aux résultats de Parcoursup. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, moi, ma situation, ça va encore. Mais je ne m'attendais pas à ça pour les autres. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait plein de refus, à ce que ce soit tout en liste d'attente. Je pensais que, je ne sais pas, tout le monde allait... Enfin, pas tout le monde, mais qu'on allait un peu plus avoir des résultats positifs quand même. Je pense qu'on ne nous a pas assez préparés, pas assez détendus. Et même au niveau des examens, par exemple, le grand oral, je sais que nous, dans notre lycée, on ne fait pas de bac blanc, alors qu'il y a plein de lycées qui font des bac blancs de grand oral, ce genre de choses. Donc les élèves s'attendent à ce qui va se passer le jour du bac et nous, on va un peu découvrir, j'ai l'impression. Ouais, totalement. Et puis, je pense qu'il faut se dire aussi que ces réformes de SPÉ, de contrôle continu et de Parcoursup, c'est vraiment c'est des choses assez récentes. Et en fait, je pense que les profs eux-mêmes, ils sont un peu dépassés par tout ça. Oui. Et c'est impossible qu'ils nous accompagnent correctement. C'est impossible d'être accompagné correctement quand on est face à un outil qui est en lui-même défaillant ou qui est... Oui, est pour pas Parcoursup, je suis d'accord que c'est pas de leur ressort. Mais par exemple, au niveau des examens et du bac, et même de cette année, je trouvais qu'on nous a mis beaucoup de pression, dans le sens que tout compte, est important. Ça, c'est vraiment affreux. Les milliers de devoirs quand t'as trois contrôles le lendemain... Et un manque aussi, oui, de déstresser les élèves, en fait, et même, je sais pas, de les déstresser, en fait, parce que je pense qu'on n'a pas assez pris en compte la santé mentale des jeunes cette année, et je pense que ça aurait été vraiment important, parce qu'il y a plein de jeunes, en fait, qui ont vécu une très très mauvaise année, et c'est pas entièrement à cause de ça, mais je pense que le fait que ça ne se finisse pas, c'est pas sur une courte période, en fait, c'est toute l'année, chaque note, puis ensuite Parcoursup, puis ensuite le bac, c'est une accumulation, j'ai trouvé, qui était particulièrement difficile. Ouais, c'est vraiment des sources de stress qui s'accumulent et on n'a pas le droit à l'erreur, en fait. Le contrôle continu pour lequel on est sélectionné sur Parcoursup, en fait, ça va de la première jusqu'à la terminale, chaque note, littéralement. Et donc, de ne pas avoir le droit à l'erreur quand on est en train d'apprendre, c'est vraiment quelque chose de très dur à avaler et de quasiment impossible à gérer. Ouais. Et puis, les profs aussi, je trouve... Enfin, et puis pas seulement les professeurs, toutes les personnes qui animent la vie du lycée, tout simplement, c'est pas encore bien intériorisé toutes ces réformes parce que ça reste assez récent. Et je sais que dans certains cours, j'ai des professeurs qui, dans l'année, étaient encore dans une vision très, très classique, c'est-à-dire Si vos notes ne sont pas très bonnes au premier et deuxième trimestre, c'est pas grave, c'est parce que vous êtes en train d'apprendre et au troisième trimestre, ça ira mieux. Donc, entre guillemets, il faisait exprès de rester dans la notation la plus basse possible, sans pour autant sous-noter, c'est pas ce que j'entends, mais de rester sur des notes très basses. Pour montrer une progression. Oui, voilà, pour montrer une certaine progression, sauf que c'est plus du tout adapté au mode de fonctionnement de l'orientation, du supérieur, ni même du bac avec le contrôle continu. Et c'est sûr qu'en tant qu'élève, quand on est face à tout ce stress et à toutes ces dates butoirs qui arrivent, et qu'en plus les professeurs n'y sont absolument pas adaptés, et que personne ne peut vraiment ni nous aiguiller, ni nous expliquer les choses, c'est très compliqué de gérer. Et le stress, évidemment, ça surgit d'un coup. Ouais, je suis d'accord. Et surtout le fait qu'on nous dise... que chaque truc c'est super important. En fait, c'est, enfin oui, c'est important, mais c'est pas notre vie. Et je sais que Paul en a particulièrement parlé, mais faut se détendre, ouais. Vraiment, l'audio elle est pas finie. On va s'en sortir. On n'est pas plus bête que les autres, comme il a dit. Et ouais, ça va le faire en fait, vraiment. Donc je pense notamment à Parcoursup. Quand on voit qu'on a rien, quand on voit que machin, je pense qu'on va s'en sortir. Je pense que même si on n'est pas dans la formation qu'on souhaitait absolument. Je pense qu'il y a des passerelles, je pense que c'est pas terminé, je pense qu'il y a d'autres moyens d'arriver à nos objectifs, à ce qu'on veut, voilà. Parce que notre vie, elle est longue et notre vie, c'est pas Parcoursup, en tout cas j'espère. Oui, sincèrement. Puis c'est ce que disait Sarah aussi, on peut, enfin, c'est beaucoup plus facile qu'avant de se réorienter, donc pour nous, faut vraiment, à tous ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire, c'est normal, vous avez pas encore 18 ans, enfin c'est de la folie de nous demander de choisir si tôt. Alors qu'on apprend, littéralement, on est encore en train d'apprendre. Donc si vous ne savez pas quel métier vous voulez faire pour les 40 prochaines années, mais c'est normal, quoi. Juste à un moment, il faut essayer de prendre du recul par rapport au discours ambiant et se dire que oui, on peut se réorienter, il y a des passerelles, on peut changer d'avis. Et surtout, relâcher un peu la pression parce que si on bosse comme il faut et si on s'y met à fond... on finira par trouver ce qu'on veut. On finira, si on est dans une formation beaucoup trop compliquée où le travail ne nous intéresse pas ou est trop dur pour nous, c'est que ce n'est pas fait pour nous et on va juste ailleurs et on se met à fond et au final, on sera à fond dans un truc qu'on aime. Mais c'est sûr que c'est difficile de trouver dès le début, quoi. Mais si on s'investit, je pense juste, si on finit par trouver ce qu'on aime, ça va le faire. Mais ce n'est pas facile étant donné que tout le monde nous met la pression pour savoir tout de suite, dès la première à choisir des spé, ce n'est pas facile. Ouais, et donc pour revenir sur le stress en particulier, j'aimerais vraiment dire en fait, enfin insister sur le fait que le stress c'est pas un mot en fait, c'est pas un mot que les profs nous balancent, qui nous disent allez stressez pas, ou quand les élèves ils disent qu'ils sont stressés, c'est pas juste ils sont stressés, c'est pas un mot. Donc Violette a dit par exemple que le stress qu'est-ce que c'est ? Le stress c'est quand on a du mal à s'endormir, c'est quand parfois on se réveille plusieurs fois dans la nuit, c'est quand on peut faire des cauchemars, c'est quand la poitrine elle nous serre, c'est plein de choses désagréables en fait, c'est des choses difficiles et le stress, c'est pas juste un mot. Donc, je pense que c'est super important, en fait, de faire attention aux élèves, de faire attention entre nous, parce que le système est super dur. Parfois, certains profs peuvent manquer de tact vis-à-vis de la pression qu'ils nous mettent. Et ouais, en fait, il faut se rappeler que l'important, ouais, c'est notre santé, en fait, d'abord. C'est pas Parcoursup. Et donc, je pense qu'il faut faire super attention au stress. Et donc, Sarah, elle a proposé, par exemple... des choses pour se déstresser, j'ai trouvé ça assez sympathique. La cohérence cardiaque. A proposé la cohérence cardiaque que perso, je fais. C'est 5 minutes en fait de respiration et c'est super utile. Après, on se sent apaisé pour au moins 4 heures. Donc ça, c'est super bien. Mais aussi, je crois que c'est Wissam qui en a parlé, juste en fait faire les choses qu'on aime. Donc lui, il a dit jouer au foot, voir ses potes. Genre, voir ses amis, c'est sûr que c'est hyper important de faire partie d'un groupe et de pouvoir parler à des gens à qui de pas s'isoler, de pas être seul, ouais. Ça c'est important, juste ne pas penser qu'on est tout seul à vivre ça, parce que c'est vraiment pas le cas. On est vraiment tous dans le même bateau, aux parents, aux professeurs, d'essayer de plus considérer les élèves et leur situation vis-à-vis du stress, parce que c'est sûr qu'une fois qu'on est impacté par l'anxiété et par la pression, par la peur, ça devient vraiment... Pour revenir un peu sur ce que Sarah disait de sa vision de spécialité SVT et de biologie, en fait, le stress, c'est vraiment une réponse du corps qui sécrète des hormones comme l'adrénaline et qui prépare le corps à l'action. Et en fait, c'est juste qu'on est, on est dans la peur et la frustration. C'est exacerbé à un point fou. Et c'est vraiment super, super difficile de gérer ça seul parce que c'est... Bah, vraiment, c'est pas une défaillance du corps, mais c'est notre corps qui réagit à quelque chose sans qu'on ait le contrôle dessus. Donc, ouais, c'est vraiment... Prenez le temps, respirez. La cohérence cardiaque, c'est vraiment bien, ouais. Et puis... c'est pas grave, votre bac, vous l'aurez. Et puis sinon, on peut toujours se réorienter. Je pense que ça ira. C'est vrai que quand on est, quand on est dans un cadre scolaire, il y a une pression tellement folle qu'on n'arrive pas à voir au-delà. Mais même en faisant son maximum, même si on a la mention en dessous de celle qu'on voulait ou même si on n'a pas de mention, ça va le faire au final. Et on va pas mourir. Et aussi, j'ai trouvé ça fou. Donc ça, je crois que c'est Sarah aussi qui le disait. Et même moi je le pense aussi, c'est qu'en fait concernant notre bac, il y en a beaucoup qui sont même pas stressés en fait par rapport à eux, mais en fait par rapport aux attentes des autres, donc que ce soit les attentes de nos parents ou que ce soit les attentes de la société ou même les attentes de nos profs parce que ou même des autres. Moi je sais que par exemple là mes résultats du bac, je sais que ça veut pas dire grand chose sur moi, donc si par exemple j'ai pas des super notes, en soi moi ça va pas m'impacter, j'ai l'impression. Mais par exemple si mes amis me demandent mes notes, ben là ça va me stresser et là je vais pas être bien, même s'ils ont des notes en dessous, je sais pas. Donc en fait c'est fou parce qu'on n'est même pas stressé par rapport à nous, mais parfois, pas pour tout le monde, on peut être stressé juste par rapport aux autres, même pour nos parents peut-être, et pour les profs aussi. Ouais, c'est sûr. Puis un dernier truc que je voulais dire aussi, que j'ai remarqué, donc c'est évidemment pas une analyse scientifique, mais quand même il m'a semblé voir au quotidien, au lycée, et puis même dans les interviews qu'on a faites, que les garçons sont beaucoup moins stressés que les filles pour le bac. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, on ne peut pas en faire une généralité, ça dépend du niveau scolaire, des spécialités, des parents, de l'entourage, etc. Mais c'est vrai que les filles ont beaucoup plus la pression par rapport à cette réussite, par rapport à l'orientation, mais surtout par rapport à avoir des bonnes notes, parce que évidemment il y a des images sociales intériorisées de la fille modèle, la bonne élève qui réussit bien, que c'est les filles doivent être studieuses, sérieuses. Et c'est vrai que je trouve ça un peu fou quand j'entends des camarades, des garçons me dire qu'ils s'en foutent et qu'ils sont tranquilles, quoi. Et c'est pas du tout que je dénigre ça, au contraire, je trouve ça super étonnant, voire admirable d'être aussi calme. Mais à un moment, ouais, les rôles, on n'attend vraiment pas la même chose des filles que des garçons en terminale, et sans même parler des discriminations genrées que la réforme des spécialités a fait réapparaître vis-à-vis des sciences notamment. Donc voilà, pour dire un petit mot sur le stress, ça va le faire, respirez et bon courage. Ouais, donc maintenant je vais vous proposer d'écouter ensemble le morceau Road to Nowhere des Talking Heads. Donc le morceau il est sorti en 1985 dans l'album Little Creatures. Donc Road to Nowhere, c'est une chanson entraînante, joyeuse et ironique, le message est simple. En fait, malgré tous nos efforts, toutes nos technologies, au final, on finit tous par aller vers nulle part. C'est-à-dire vers la mort, vers l'inconnu. On est tous dans le même bateau, au final, et il ne nous reste plus qu'à accepter joyeusement notre destin. Donc ce morceau, en fait, j'ai trouvé qu'il me faisait penser justement à Parcoursup et à toutes nos merdes du moment, parce que ça fait relativiser, car au final, en fait, on est tous ensemble dans le même truc, et de toute façon, en fait, c'est rien, Parcoursup. c'est rien du tout. Donc je vous propose d'écouter tout de suite Road to Nowhere des Talking Heads. Well, give us time. ça y est, c'est la fin de notre émission. Donc, pour votre santé, je vous recommande d'écouter cette chanson une fois par jour minimum jusqu'au bac. Voilà. Avec Billie Eilish. Ouais. Non, j'accepterai pas de dénigrement. On espère que cette émission, elle vous a plu et que le sujet vous a intéressé. En tout cas, que vous soyez lycéen, futur lycéen ou parent inquiet, ne stressez pas trop, car de toute façon, même si le système est pourri, même si vous n'avez pas été pris dans votre école de rêve, on va finir par y arriver et ça va le faire. Donc on vous fait de gros gros bisous et on se dit au mois prochain. Et prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Bisous bisous! Au mois prochain!